Nous sommes des témoignages vivants et ambulants de Christ. Nous allons exprimer qui nous sommes d'une façon ou d'une autre. Nous sommes faits comme ça. Bonjour, les ministères En Contact, en collaboration avec Radio Espoir, vous présentent l'enseignement biblique de Charles Stanley. Chaque croyant a la responsabilité de témoigner de l'Évangile de Jésus-Christ. Son commandement clair est enregistré dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 28, verset 19. « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » La plupart des croyants s'engagent volontiers à obéir aux commandements du Seigneur, mais ils hésitent quand vient le temps de parler du Christ aux autres. L'émission d'aujourd'hui nous rappelle que notre témoignage dépasse de loin la portée de nos paroles. Nous sommes en fait des témoins vivants de la puissance de Dieu chaque jour. Vous en apprendrez plus en écoutant Charles Stanley nous expliquer comment nos actions et notre attitude influencent notre témoignage. Comment voyez-vous la vie chrétienne? S'agit-il de faire sa vie chrétienne ou d'être un chrétien? Cette question peut sembler étrange, mais voyez-vous, quand on leur demande s'ils sont chrétiens, la plupart des gens qui répondent par l'affirmative vous le prouvent en racontant ce qu'ils font. Par exemple, ils vont à l'église, ils lisent leur Bible, ils donnent leur dîme, ils prient. Il leur arrive même de parler de Dieu à leur entourage de temps à autre. Mais savez-vous que vous pourriez faire toutes ces choses sans même être un chrétien? Et vous, personnellement, comment voyez-vous votre témoignage chrétien? La plupart des gens répondent qu'ils se contentent de dire ce que Jésus signifie pour eux ou qu'ils croient en la parole de Dieu. Cette pensée est une description inadéquate d'un témoignage. C'est pourquoi le message d'aujourd'hui se concentrera sur une description biblique du témoignage. Et puisque cette description est fondée sur la parole de Dieu et non sur une sagesse humaine, ouvrons notre Bible dans le livre des Actes au chapitre 8. Nous y trouverons les principes sur lesquels repose le témoignage chrétien. Et pendant que vous feuilletez, laissez-moi vous rappeler le contexte de ce passage. Au chapitre 6, nous lisons que la première Église fait face à un problème de main-d'œuvre suscité par sa phénoménale croissance. Il est donc décidé que 7 hommes seront nommés pour assister les 12 apôtres dans leur tâche. Le verset 5 rapporte que cette proposition plut à toute l'assemblée. Ces hommes, nommés diacres, étaient élus pour servir aux tables. Parmi les recrues choisies se trouve un homme du nom de Philippe. Dans le passage, nous assistons à un autre réveil spirituel. Lisons le passage qui nous intéresse particulièrement, Actes chapitre 8, les versets 26 à 39. Un ange du Seigneur, s'adressant à Philippe, lui dit « Lève-toi et va du côté du midi, sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. » Il se leva et partit. Et voici, un Éthiopien, un eunuque, ministre de Candace, reine d'Éthiopie et surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer, s'en retournait assis sur son char et lisait le prophète Ésaïe. « L'Esprit, dit à Philippe, avance et approche-toi de ce char. » Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. En ce temps-là, les gens avaient l'habitude dans ces pays de lire à voix haute, même quand ils ne lisaient que pour eux-mêmes. Philippe pouvait donc savoir en écoutant l'Éthiopien que celui-ci lisait à ce moment une prophétie tirée du livre d'Ésaïe. Verset 30. Il, en parlant de Philippe, lui dit « Comprends-tu ce que tu lis ?» Il répondit « Comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide ?» Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Le passage de l'Écriture qu'il lisait était celui-ci. « Il a été mené comme une brebis à la boucherie. Et comme un agneau muet devant celui qui le tond, il n'a point ouvert la bouche. Dans son humiliation, son jugement a été levé, et sa postérité, qui la dépeindra? Car sa vie a été retranchée de la terre. » Ésaïe, chapitre 53, les versets 7 et 8. L'eunuque dit à Philippe, « Je te prie, de qui le prophète parle-t-il ainsi? Est-ce de lui-même ou de quelqu'un d'autre? » Avant la venue physique de Jésus sur la terre, ces versets tirés de l'Ancien Testament étaient attribués à la nation d'Israël dans son ensemble. Mais Après la naissance de Jésus, les chrétiens ont réalisé que Jésus était lui-même le Messie promis, le Messie souffrant d'Ésaïe 53. Retournons à notre texte du livre des Actes, lisons les versets 35 à 39. Alors Philippe, ouvrant la bouche et commençant par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau. Et l'eunuque dit, « Voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je ne sois baptisé? » Philippe dit, « Si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. » L'eunuque répondit, « Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. » Il fit arrêter le char. Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau et Philippe baptisa l'eunuque. Quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe et l'eunuque ne le vit plus, tandis que, joyeux, il poursuivait sa route. Si vous cherchez le rapport entre ce passage et votre témoignage personnel, je vous encourage à considérer ce qui suit. Quand nous pensons à témoigner de ce que Jésus signifie pour nous, nous ne considérons habituellement qu'un aspect de notre témoignage. Et je veux vous démontrer par ce passage que notre témoignage contient plus d'aspects que nous le pensons habituellement. Et en faisant cela, je veux également vous prouver l'importance de votre témoignage. Car dans la vie des personnes qui vous entourent, votre témoignage pourrait faire la différence entre la foi et l'incrédulité, entre l'acceptation ou le rejet de la personne de Jésus-Christ, et donc entre le ciel et l'enfer. Notre témoignage est donc excessivement important. Nous pouvons maintenant énumérer trois aspects qu'il concerne. Premièrement, notre caractère, c'est-à-dire qui nous sommes, témoigne de nos valeurs. Retournons dans le livre des Actes au chapitre 6. Et pendant que nous lisons ce passage, essayez de trouver comment ce passage s'applique à Philippe et plus particulièrement à son caractère. On se rappelle que l'Église faisait face à un problème suscité par l'affluence de nouveaux membres. Acte 6, verset 1. En ce temps-là, le nombre des disciples augmentant, les hellénistes murmurèrent contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Jusque-là, les apôtres s'occupaient eux-mêmes de la distribution de nourriture aux membres les plus défavorisés de l'Église, c'est-à-dire les veuves. Mais la croissance de l'Église était telle qu'ils devaient consacrer de plus en plus de temps à cette tâche. Ils avaient alors moins de temps pour la lecture et la méditation de la parole de Dieu. Les apôtres ont donc fait part à la congrégation du danger suscité par cette situation et ils ont proposé d'élire 7 hommes parmi l'assemblée pour les assister dans le service de distribution. Nous avons déjà vu que Philippe faisait partie des membres choisis. L'Église cherchait des hommes qui répondaient à une description de caractère spécifique. Nous remarquons dans Actes chapitre 6, verset 3, qu'elle recherchait d'abord des hommes de bonne réputation. Le mot grec du texte original que nous traduisons en français par « réputation » est le même que nous traduisons par « témoignage » ou « témoin ». L'Église recherchait donc de bons témoins, des personnes possédant un bon témoignage. Les candidats devaient en outre posséder un autre critère. Ils devaient être remplis du Saint-Esprit. Les hommes investis de cette tâche devaient donc faire preuve de sagesse. Et si Philippe a été choisi, on peut donc raisonnablement conclure que l'Assemblée pouvait noter dans le caractère de cet homme quelque chose de différent, de très impressionnant. Philippe croyait assurément au Seigneur Jésus-Christ, sinon il n'aurait pas été choisi pour cette tâche. En fait, il n'aurait pas fait partie de l'Église. Les Écritures rapportent que ces hommes jouissaient d'une bonne réputation aux yeux de leur entourage. L'Assemblée et les apôtres avaient observé Philippe et ils avaient remarqué en lui le genre de caractère recherché pour les représenter et pour bien s'acquitter de cette tâche de service envers le Seigneur. Philippe était un homme rempli du Saint-Esprit et plein de sagesse. Il avait certainement exprimé ses qualités par son mode de vie. On peut raisonnablement déduire qu'il était également un homme responsable avec, en plus, certaines qualités de meneur. Cette dernière qualité était particulièrement désirable dans une situation tendue et potentiellement volatile. L'Église vivait alors certaines difficultés de croissance et quelques membres avaient exprimé une insatisfaction qui aurait pu mener à une division en son sein. Il fallait donc que les élus aient manifesté des qualités de meneurs d'hommes afin que les autres meneurs soient disposés à les suivre. En outre, Philippe possédait certainement le don d'évangélisation. On lui avait offert un emploi de serveur aux tables à Jérusalem. Et après une période de persécution pendant laquelle son collègue Étienne avait été assassiné, Philippe, loin de se décourager, est parti en Samarie pour évangéliser. Il prenait certainement la grande mission au sérieux. Nous pouvons également déduire qu'il était un homme très sincère. Comment pouvons-nous affirmer cela? Remarquez ce que l'Écriture rapporte sur Philippe dans Actes chapitre 8, verset 6. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe, lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait. Les foules croyaient en cet homme. Elles entendaient des paroles d'un homme de conviction, un homme persuadé et persuasif, un homme qui avait vécu une expérience particulière, un homme qui savait de quoi il parlait. Philippe était un homme très sincère et intègre. Lorsque je songe aux qualités de caractère manifestées par Philippe et au genre de personnes recherchées par l'Église de Jérusalem et les apôtres, je ne peux m'empêcher de penser qu'il était aussi un homme obéissant. Aussi, j'aimerais mentionner certaines choses sur l'obéissance. Philippe était soumis à Dieu. Écoutez bien ceci. Un homme peut obéir à Dieu au sujet de certaines choses, sans pour autant posséder un esprit d'obéissance, mais un esprit d'obéissance témoigne du caractère. Voici un homme sauvé par la grâce de Dieu, un homme capable, fiable et responsable. Un homme dont le mode de vie exhale une authenticité de caractère, ne se limitant pas à l'honnêteté et à l'intégrité au sens où on les entend ordinairement. Un homme qui, en outre, possédait une qualité supplémentaire qui attirait immanquablement l'attention sur lui, un esprit d'obéissance. On peut sentir cet esprit lorsqu'on lit le compte-rendu de sa vie. Lorsqu'on lui a demandé de servir aux tables, il a accepté. Il était prêt à accomplir la volonté de Dieu, peu importe la tâche. Si Philippe avait été infidèle dans les petites choses, le Seigneur ne lui en aurait pas confié de plus grandes. Ce n'est pas son habitude. C'est pourquoi on retrace Philippe en Samarie. Dieu lui a parlé et l'a envoyé là pour prêcher l'Évangile aux Samaritains. Ce n'était pas une tâche facile avec la persécution, mais Philippe avait un esprit d'obéissance et il a accompli ce que Dieu lui demandait. Son esprit d'obéissance est ainsi récompensé par un réveil spirituel des plus stimulants. Mais c'est alors que, contre toute attente, le Seigneur lui demande de quitter cette église naissante pour aller sur un chemin désertique et peu fréquenté. Plusieurs serviteurs de Dieu auraient répondu « Je ne peux pas quitter ces bébés dans la foi, ils ont trop besoin de moi, je ne quitterai pas cet endroit. » Alors que Dieu accomplit cette grande œuvre, que les gens sont sauvés et qu'ils reconnaissent Jésus-Christ comme leur sauveur ressuscité, que des paralytiques sont guéris et que les démons sont chassés. Le Seigneur lui a dit, « Je veux que tu quittes cet endroit où je t'ai tellement béni. Tu iras à Gaza, et là, je te dirai quoi faire. » Philippe ne savait pas précisément pourquoi il devait partir, ni ce qu'il ferait là-bas, mais il était prêt à y aller. Et sans poser de questions, il a fait exactement ce que Dieu voulait. Il possédait cet esprit d'obéissance. Il était un homme de foi. Il faisait confiance à Dieu. Son caractère indique très clairement qu'il avait appris à faire confiance au Dieu vivant, et pas seulement en ce qui concerne son salut, mais également dans la vie de tous les jours. Il faisait preuve d'une sensibilité très fine à la volonté de Dieu. Cette sensibilité aux choses divines venait compléter son caractère. Et quand l'ange lui a parlé, il a accepté de faire ce qu'il lui disait. Lorsqu'il s'est approché du chariot et qu'il a entendu l'homme lire les Écritures, il a fait preuve de retenue dans son approche. Il n'est pas monté dans le chariot en disant « Laisse-moi t'expliquer ce que tu lis ». Mais il lui a dit « Comprends-tu ce que tu lis ?» Et avant de se joindre à l'Éthiopien, il a attendu d'être invité. Philippe était également diligent de nature. Il exécutait avec empressement la volonté de Dieu. Alors qu'il marchait sur le chemin, l'Esprit-Saint lui a dit de rattraper le chariot. Il s'est alors mis à courir et a entendu l'Éthiopien lire Ésaïe. Philippe ne se contentait pas de se promener, et quand il a reçu l'ordre de rattraper le chariot, il n'a pas dit « Il va trop vite, je ne serai pas capable de le rattraper ». Il a couru jusqu'à ce qu'il puisse entendre l'Éthiopien, et c'est alors qu'il lui a demandé s'il comprenait ce qu'il lisait. Le caractère de Philippe dans son ensemble ne peut pas être remis en question. Quel rapport cela a-t-il avec notre témoignage? Notre caractère révèle vraiment qui nous sommes, et quand nous considérons la description de la vie de Philippe telle que contenue dans la Bible, nous pouvons facilement déduire qu'il était un homme de caractère. Et lorsque nous pensons à notre témoignage, notre caractère en est la partie invisible. Je sais que nous l'exprimons d'une manière différente et qu'il existe des manifestations différentes du caractère. Mais le caractère est cet aspect de notre témoignage que l'on n'entend pas et que l'on ne voit pas. Et si quelqu'un vous demande si vous avez déjà donné votre témoignage, vous l'avez sûrement fait. Vous transpirez, vous exprimez quelque chose par votre seul caractère. Votre témoignage ne commence pas lorsque vous ouvrez la bouche, il commence avec l'expression de votre caractère, car votre caractère s'exprime d'une autre façon. Quand nous considérons les caractéristiques de la vie de Philippe et que nous voyons comment le Seigneur œuvrait dans sa vie, nous pouvons voir dans le passage qui décrit son interaction avec l'Éthiopien qu'il n'y avait aucune discordance entre ce que Philippe vivait et ce qu'il disait. Il était un homme doué d'un caractère authentique. Ce qui nous mène à un des points principaux de ce message que je répéterai souvent. Quand une partie de notre témoignage ne concorde pas avec une partie de notre personnalité, nous obscurcissons la présentation de notre témoignage au lieu de la clarifier. Pensez-y bien. Existe-t-il des aspects de votre vie qui vous font hésiter entre obéir et désobéir à la volonté de Dieu? Et quand vous hésitez, quelles sont les parties de votre personnalité qui entrent en conflit? Existe-t-il quelque chose avec laquelle vous luttez et qui revient souvent sans que vous soyez capable de régler la question? Un esprit d'obéissance nous incite à obéir à la volonté de Dieu. Si c'est ce qu'il veut, c'est ce que je ferai. Un point, c'est tout. Cela ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de tentation occasionnelle, mais un esprit d'obéissance fait pencher la balance du côté de Dieu. Si on me demande la définition d'un témoignage personnel, je répondrai que cela va au-delà de ce qu'on peut dire ou écrire. Cela peut en faire partie. Cela peut en constituer l'expression extérieure, mais notre témoignage commence avec la partie la plus intime de notre cœur. Cela veut-il dire que nous devons être parfaits? Non. Cela veut-il dire que nous trébuchons et tombons parfois? Oui. Cela veut-il dire que nous péchons parfois? Absolument, personne n'est parfait. En fait, nous sommes dirigés et contrôlés par notre caractère. Personne au monde ne connaît votre véritable caractère mieux que vous. Nous pouvons en voir les expressions dans votre vie, mais personne au monde ne sait exactement comment vous pensez, ce que vous feriez si vous le pouviez et ce que vous n'aimez pas. Dieu est la seule personne qui connaît votre caractère mieux que vous-même. Il le connaît parfaitement. Nous pouvons connaître notre caractère plutôt bien, mais nous ne le connaissons pas aussi parfaitement que lui. Et notre caractère est la base de notre témoignage. Il constitue la plateforme à partir de laquelle nous partageons notre vécu et parlons. Deuxièmement, notre conduite témoigne de nos valeurs. Considérez le comportement de Philippe. Comment puis-je connaître son caractère? Comment puis-je dire qu'il était assurément obéissant aux ordres de Dieu? En regardant ce qu'il faisait. Par exemple, quand Dieu lui a dit qu'il devait servir aux tables, il était prêt à servir aux tables. Son obéissance à Dieu s'exprimait dans un acte de service. Et quand Dieu lui a dit de prêcher l'Évangile, il a obéi à Dieu. Il s'est levé et il est allé prêcher l'Évangile. Quand il a reçu l'ordre de laisser les foules pour aller vers une personne, il a fait exactement ce qu'on lui disait. son comportement exprimait qui il était. Philippe vivait extérieurement son être intérieur. Son témoignage, inaudible et invisible, s'exprimait par des actions visibles. Il était prêt à prêcher l'Évangile aux foules, il était prêt à prêcher l'Évangile aux gens particuliers. Son comportement n'était que l'expression extérieure de son fort intérieur. Votre témoignage est l'expression de qui vous êtes et votre comportement est l'expression de votre caractère. Et si vous êtes un enfant de Dieu et un disciple de Jésus-Christ, vous faites simplement la volonté de Dieu. Obéir à Dieu, lui faire confiance et laisser les résultats entre ses mains, voilà en quoi consiste un caractère sanctifié. Mais si votre comportement ne reflète pas cela, vous avez un problème majeur. Supposons, par exemple, que vous placiez une Bible sur votre bureau, sur les lieux de votre travail. Vos collègues savent donc que vous êtes chrétien puisqu'ils ont vu la Bible sur votre bureau. Et un jour, une de ces personnes qui aura vu votre Bible s'approche et vous dit qu'elle va vous raconter la blague la plus comique que vous n'ayez jamais entendue. Or, il s'agit d'une histoire cochonne et raciste. Vous riez. Quoi que vous puissiez croire, ce non-croyant pense tout à coup que quelque chose ne fonctionne pas. À ses yeux, vous ne devriez pas vous comporter de cette façon. Vous pourriez dire, « Mais il n'est même pas chrétien. » Je suis d'accord, mais dans sa pensée, votre collègue a certaines attentes envers les chrétiens et votre témoignage s'en trouve alors affecté. Quand vous professez être un disciple de Jésus-Christ et que vous êtes né de nouveau, mais que votre conduite ne reflète pas votre message, vous faussez l'image des chrétiens. En effet, votre comportement obscurcit votre témoignage autant auprès des non-croyants que des croyants. Souvent, nous ne réalisons pas que les non-chrétiens ont leur système de valeurs, que les chrétiens ne doivent pas suivre. En effet, ils doivent suivre la norme prescrite par Dieu qui, contrairement aux préjugés, est atteignable, car Dieu le sait, nous sommes tous humains, tous pécheurs, et nous faisons tous des erreurs. Malgré cela, nous devons nous assurer que notre comportement n'obscurcit pas notre témoignage. Car, lorsque nous disons une chose et que nous faisons autre chose, tout devient flou. Si, par exemple, une personne s'habille d'une manière sensuelle pour attirer l'attention, peu importe ce qu'elle dit ou professe, ses actions et son comportement obscurcissent son témoignage chrétien. En vérité, nous sommes appelés à être des témoignages vivants. Même si nous ne donnons pas consciemment notre témoignage, nous sommes des témoignages. Nous n'avons pas à nous lever et à parler pour donner notre témoignage. Nous sommes des témoignages vivants et ambulants de Christ. Nous allons exprimer qui nous sommes d'une façon ou d'une autre. Nous sommes faits comme ça. Cela ne veut pas dire qu'il ne reste plus de péché dans notre vie dont nous ayons à nous repentir. Personne n'est parfait. Mais nous devons tous être des enfants de Dieu qui apprennent, grandissent, marchent, échouent parfois, se repentent de leurs péchés et continuent à marcher dans la vie chrétienne. Et notre caractère est d'avoir un cœur tendu vers Dieu. Nous voulons devenir des personnes selon le cœur de Dieu. Nous voulons marcher dans l'obéissance. Nous voulons lui faire confiance et nous voulons être zélés pour l'accomplissement de son œuvre. Notre caractère est une expression de qui nous sommes et notre comportement est ce que nous faisons. Nous devons donc tous nous demander si ce que nous faisons concorde avec ce que nous connaissons de notre relation avec Christ. Car le plus important dans notre vie, c'est notre relation avec Jésus-Christ. Rien n'est plus important. Lire ma Bible ne fait pas de moi un chrétien, même si cette activité est très importante pour un chrétien. Aller à l'église ne fait pas de moi un chrétien. Mais si je veux grandir dans le Seigneur, je dois l'adorer à l'intérieur de son corps, qui est l'Église. Donner la dîme ne fait pas de moi un chrétien, mais cela fait partie de la vie chrétienne. Et il est vital de s'impliquer dans l'œuvre du Seigneur. Et parler de Jésus aux autres ne fera pas de moi un chrétien, mais cela constitue certainement un acte d'obéissance envers Dieu. Toutefois, mon caractère donnera une couleur à tout ce que je dis et à tout ce que je fais. Et mon comportement sera l'expression de la couleur de mon cœur. Si j'obéis au Seigneur, mon obéissance ressortira. si je fais confiance au Seigneur, ma foi ressortira. Si je suis prêt à vivre des épreuves, ma persévérance ressortira. Toutes ces choses s'exprimeront d'une façon ou d'une autre. Et quand je considère la vie de Philippe, je vois un homme de caractère. Il a vécu son existence avec intégrité. Et quand venait le temps de parler de ses croyances et de ce que Dieu avait accompli dans sa vie, tout concordait. Nous devons donc coordonner notre vie et notre caractère. Il n'y aura alors plus aucun conflit, et notre témoignage ne sera plus obscurci par une dissonance entre nos paroles et nos actes. Plus personne ne pourra voir de conflit entre ce que nous sommes et ce que nous faisons. Au lieu d'obscurcir notre témoignage, notre comportement confirmera qui nous sommes en Jésus-Christ. Des fils et des filles du Dieu vivant, cherchant à lui plaire, à lui obéir, à le suivre et à marcher dans toutes ses voies. Voilà un homme qui vit en harmonie avec Dieu. Présentez-vous clairement l'Évangile de Jésus-Christ à votre entourage? En d'autres mots, votre attitude vis-à-vis de vos semblables reflète-t-elle le Christ, le Maître et le Seigneur de votre vie, ou votre caractère et votre comportement sont-ils plutôt une source de confusion pour ceux qui vous connaissent? C'est pour cela que Charles Stanley nous a encouragés à évaluer qui nous sommes et ce que nous faisons pour pouvoir présenter aux autres personnes une image claire de la personne de Jésus-Christ. Ainsi, notre caractère est un élément essentiel de notre témoignage chrétien. La deuxième épître de Pierre, chapitre 1, versets 5 à 8, nous donne des instructions utiles pour mener un mode de vie cohérent. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la connaissance, à la connaissance la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi la patience, à la patience la piété l'amitié fraternelle, à l'amitié fraternelle l'amour. Car si ces choses sont en vous et y sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce que vous venez d'entendre vous intéresse? Vous voulez en savoir plus? Vous voulez voir comment des gens comme vous et moi ont vu leur vie transformée par Jésus-Christ tout en dégustant un délicieux déjeuner gratuit? Les Déjeuners de l'Espoir sont offerts à la grandeur du Québec. Contactez-nous au 1-877-LESPOIR, 1-877-537-7647 ou visitez notre site Internet au www.espoir.ca. Touchant le monde avec notre passion pour Dieu et notre compassion pour les gens, l'enseignement de Charles Stanley est une présentation de Ministère en Contact et une production de Radio Espoir.